sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez le Baseball Les Aigles de Trois-Rivières. Les Aigles s'inclinent par la marque de 7-5 dans un marathon de plus de 3h30. L'émission d'après-match commence à l'instant. Eh bien bonsoir et bienvenue au Talk Show des Aigles, l'émission d'après-match qui a lieu ce soir et qui n'a pas eu lieu mardi dernier en raison de l'heure tardive. Malheureusement, certains contextes font qu'on a tous à travailler un peu le lendemain matin. Bon, le match qui termine à minuit et demi n'était pas nécessairement commode pour plusieurs, dont moi. Donc, j'ai été un petit peu forcé d'annuler ce match-là. Mais cette émission-là, malheureusement. Mais on est avec vous ce soir et on est là pour parler de cette défaite des Aigles 7-5 et une semaine qui a débuté plutôt mal, on va se le dire. Une semaine quand même difficile. Les Aigles qui se sont inclinés deux fois à Québec, se sont bien battus, mais encore une fois, se sont inclinés deux fois. Mais bonne nouvelle! Une première victoire cette saison face au fameux Capital. Et il était temps. Après 8 défaites consécutives, il était temps que les Aigles battent enfin les Capitals. C'est un peu une douce revanche. Et j'espère que cette douce revanche-là va continuer lors du prochain match contre les Capitals et le suivant. Mais là, pour ce soir, on a une défaite de 7-5 des Aigles. Les Aigles qui se sont quand même bien battus ce soir, mais se sont encore inclinés. Et bon, ça commence à se faire tard. Là, les Aigles commencent à prendre du retard, les Miners qui ont 2 victoires consécutives, les Aigles, bon, oui, une défaite présentement, c'est leur séquence, mais si on ajoute les derniers matchs depuis la série contre les Miners qui s'est terminée, une très bonne série de la part des Aigles malgré tout. Bon, les Aigles, là, c'est 3 défaites en 4 matchs. Difficile, les champions ont 3 victoires consécutives, les Miners 2, et c'est vraiment contre eux qu'on court présentement pour une place en éliminatoire. Et les Miners qui ont maintenant 6 matchs d'avance sur les Aigles, on approche dangereusement de la mi-saison. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe maintenant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise sur le terrain. Il faut que les joueurs commencent à jouer et qu'ils jouent comme qu'ils ont joué en éliminatoire il y a 2 ans. Qu'ils jouent comme qu'ils jouent, comme qu'ils ont joué, comme l'équipe championne a joué. Qu'ils reprennent leurs habitudes qu'ils ont eues. Ce désir de vaincre-là qu'ils avaient ce soir-là, cette fin de saison-là, c'est ça que ça prend présentement pour les Aigles. Et on dirait que ça le manque. On dirait que les gars sur le terrain, oui, se défendent, oui, essayent de faire leur mieux, mais on dirait qu'il manque le petit déclic, la petite chose qui fait le petit désir de vaincre, juste qui nous permet de pousser plus. Et tu sais, je peux les comprendre aussi en même temps, là. Ça fait 2 saisons difficiles consécutives. La saison dernière a été très, très difficile pour les Aigles. Et c'est dur mentalement de rester concentré, de rester dans... tu sais, c'est un marathon, une saison. Et de rester concentré tout le long d'une saison quand on a un début de saison difficile et qui suit une saison qui a été très difficile, donc l'an passé... C'est que ça devient dur à un moment donné de rester concentré, de pousser continuellement. Parce que là, ça monte à la tête. C'est « Ah, on a beau bien jouer, on n'est pas capable de marquer des points. Ah, on n'a pas accordé de points, on n'a pas marqué. Ah, j'ai marqué beaucoup de points, mais j'en ai accordé plus. » Et à un moment donné, ça vient jouer dans la tête des joueurs. Et les joueurs commencent à décourager un peu. Et c'est normal. C'est des humains après tout, là, c'est pas des robots. Et ça devient dur. C'est sûr que les Aigles, tranquillement, là, ils se replacent là, au niveau statistique, au bâton. Les meilleurs joueurs de l'équipe, ben, ça commence à vraiment avoir de l'allure. On frappe et bon, ce soir, peut-être que comme Connor Crane, ça n'a pas été sa meilleure soirée, malheureusement. 0-5. T'sais, après la grosse semaine qu'il y a eu la semaine passée. Mais tu sais, ça l'arrive. Mais tu sais, si on regarde ensemble les statistiques du côté des Aigles, Ayala frappe pour 329. Bon, Martinez qui a 22 matchs frappe pour 323. Matteo, 313. Herrera, 306. C'est des bonnes moyennes, là. Tout ce qui est en haut d'une moyenne de 300, c'est des bonnes moyennes, même pour cette ligue-là. C'est des très bonnes moyennes. C'est sûr qu'on n'est pas dans les moyennes des Boulders. Là. Des Boulders, il y a Regis qui frappe pour 362, Tice pour 361, Smith pour 342. Donc, tu sais, les meilleurs frappeurs ont des meilleures moyennes. Mais même à ça, ça reste des bonnes moyennes. On a 4 joueurs en haut de 300. Québec, c'est vraiment pour au niveau du 300, c'est l'équipe qui en a le plus. On parle de Mandoulet à 381, Lennerton à 345, Sams à 342, Tissenbaum à 342, Gracial à 331. C'est 5 joueurs en haut. Il y a Malo aussi, Jonathan Malo, qui a joué 4 matchs, que je compte pas nécessairement, 429. Mais malgré tout, Trois-Rivières ont quand même 4 frappeurs en haut de 300. On frappe pour 272 l'équipe en entier. C'est sûr, c'est pas Québec là, à 298. C'est sûr. C'est pas Rockland à 295. Mais 272 comme une équipe, là, ça a de l'allure. Ottawa est à 290. New Jersey, 300. New Jersey, vraiment la meilleure moyenne au bâton. Et Sussex County qui est à 284. Donc oui, les Aigles ont une bonne moyenne. On va se le dire, 272, c'est une très bonne moyenne d'équipe. Mais on est loin des moyennes d'équipe ailleurs dans la Ligue Canam. Donc c'est peut-être là le problème. On a eu un début de saison lent, là on commence à se replacer. Mais encore là, on frappe moins que les autres équipes. Et c'est peut-être ça le problème au bâton. Avant de vraiment aller sur le sujet que je voulais parler ce soir, je vous invite à nous appeler sur les ondes de C'est fou ou de nous contacter sur Facebook. Donc, si vous voulez nous appeler, c'est au 819-376-C'est fou. Donc, 819-376-2368. Sinon, sur Facebook, c'est www.facebook.com/aigle-après-match. Venez nous parler. On veut savoir ce que vous pensez des Aigles cette semaine qui est un petit peu plus difficile. Bon, j'en ai parlé souvent cette émission-là. Le baseball, c'est des hauts et des bas. Mais là, il est temps que les Aigles commencent à avoir plus de hauts que de bas. Parce que si on continue dans des bas comme ça, si on continue à jouer pour 500, donc 50-50, on fera pas les éliminatoires. On va arriver à court. Faut que les Aigles partent sur une bonne séquence. Faut que... Ça serait le fun, là. 10 victoires en ligne. Bon, je rêve peut-être en couleur, mais si les Aigles pouvaient enfiler 5 ou 6 victoires de suite, ça serait excellent. Ça les aiderait beaucoup à revenir sur les Miners. Et si sur ces 6 victoires-là, ben, ils pouvaient en avoir 2 ou 3 contre les mêmes Miners, ben, c'est des victoires gratuites, là. On rattrape d'un match à chaque fois. Donc les Aigles peuvent rattraper, mais il faut que ça commence maintenant avant qu'il soit trop tard. Mois de juillet arrive, la mi-saison arrive, après ça, ça déboule. Si on n'est pas porté à la mi-saison, ça risque d'être très, très difficile. Donc, je vous rappelle, pour nous joindre au 819-376-2368. En attendant, ce soir, je voulais vous parler d'un sujet, et c'est de quoi qui est quand même généralisé au niveau du baseball, pas juste professionnel, mais au niveau du baseball amateur aussi, et c'est la longueur des matchs. La longueur des matchs. Encore ce soir, le match entre les Boulders et les Aigles a duré 3h35. 3h35. Les Capitales de Québec, qui sont présentement à Sussex County pour y jouer un programme double, le premier match a duré 3h22 et c'est un match de 7 manches. 3h22. En temps normal, là, puis même ça c'est trop long, mais en temps normal, là, on ne devrait pas dépasser les 20 minutes par manche pour un total de 3 heures. Et même 3 heures, c'est long, là. Dans l'idéal, un match devrait durer 2 heures et demie. Ottawa contre les champions d'Ottawa contre les Jackals ont joué un match. Ce soir, en fait, ils ont un programme double, eux aussi. Premier match, 7 manches, oui, 2 heures. Ça, ça a de l'allure. C'est ça. C'est le temps que ça devrait prendre pour 7 manches. 2 heures et quart maximum. Pas 3h22. Ridicule. C'est complètement ridicule. Puis, on peut parler aussi, tu sais, du match hier entre les Aigles et les Capitales. 2h19 pour 9 manches. Mais pourquoi tous les matchs sont pas comme ça? Pourquoi on n'est pas capable de jouer des matchs qui prennent moins de 2h30? Bon, on peut dire, oui, mais il y a eu beaucoup de points ce soir. Je vous l'accorde. Il y a eu 12 points ce soir. Mais il y en a quand même eu 6. Et ça a pris 2h19. Pourquoi dans le baseball moderne d'aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir des matchs qui durent moins de 3 heures? Dans les majeurs, il y a peut-être l'excuse. Oui, mais il y a des publicités entre les manches, avec la TV, tout ça. Oui, ça, ça prend beaucoup de temps. En série éliminatoire, c'est encore pire. Il y a juste 1 minute par publicité. C'est long. Et c'est ça qui ferait prendre beaucoup plus de temps. Mais pourquoi, surtout dans un niveau indépendant, là, dans une ligue indépendante, on n'est pas capable de jouer des matchs de moins de 3 heures? Pourquoi la moyenne de temps est de 3 heures ou plus? Tu sais, je vous ai parlé en levée d'émission, pourquoi j'ai pas fait le match, pas le match, mais l'émission mardi soir. Mardi soir, le match a débuté, oui, très très tard, là, 9h moins quart. Bon, c'est un peu ridicule l'heure à laquelle ça a commencé. Le match aurait dû être reporté, à mon avis, le lendemain. Mais ça, c'est les décisions des Capitales, de la Ligue, de jouer. Ils ont voulu jouer, c'est correct. Le match qui débute à 9h moins quart. C'est tard. Pour les partisans, pour tout le monde. À 11h moins, minuit moins quart, donc 3h, le match était en 6e manche. Sixième manche. Le match, au final, a terminé à minuit 35. Il a pris pratiquement 4 heures. 3h50 pour être exact. 3h50 pour un match de baseball. Après ça, on se demande pourquoi il y a un désintérêt pour le baseball dans le monde. Mais c'est pas compliqué, les matchs sont trop longs. Dans les majeures, ils essayent déjà d'implanter. Là, on travaille avec les mineurs pour implanter des matchs plus rapides. On essaie de faire différents... on utilise différents moyens pour accélérer les matchs. On met un temps entre les lancers. On limite le temps quand il n'y a pas de frappeurs sur les buts. Et même quand il y a des frappeurs sur les buts, on devrait le faire un peu. C'est sûr qu'on peut donner plus de temps. Là. Il y a une gestion des coureurs, une gestion du choix de lancer qu'on va faire qui est différente avec un coureur. Il faut vraiment gérer le coureur. Mais une ligue comme la Ligue CANAM, une ligue indépendante comme ça, devrait faire tout en son pouvoir pour raccourcir les matchs. On devrait faire le mieux qu'on peut pour éviter qu'un match dure plus que 3 heures. Puis peut-être que la première solution, ça serait de dire, ben respecter les couvre-feux déjà partant, comme mardi, tu sais, on peut pas commencer de manche après minuit, sauf si le match est serré. Regarde, la règle, c'est on ne peut pas partir de manche après minuit. La règle est simple. Pourquoi on donne une passe droite si le match est serré? La règle est là. Pourquoi? C'est quoi le point, là? Quand on laisse passer des règles, après ça, on en laisse passer d'autres, puis c'est là que ça sert à rien, le livre des règlements, là. Ah, ben là, cette équipe-là a de la difficulté, on va lui permettre d'avoir un vétéran de plus, mais là, c'est pas juste pour les autres. Ah, mais... est en difficulté, est dernière, ça fait 3 ans, tu sais, on veut lui l'aider. Mais non, il y a des règles dans une ligue, et les règles sont là pour être respectées, y compris l'heure du couvre-feu. Peu importe que le match soit serré ou pas, si le match est égal, on l'arrête pour le soir, puis on le recommence le lendemain. Fini là. Pas compliqué. Puis tu sais, si on veut vraiment réduire le temps, on pourrait dire, ben le match est 3 heures, puis après 3 heures, là, il n'y a plus de match qui se commence. Fini, pas fini. Qu'on soit en 6e, en 7e ou en 9e. Le seul temps qu'on pourrait commencer une manche après, c'est des manches supplémentaires. Ça, ça fait partie du baseball. Et on veut pas être comme le Japon où il y a des matchs nuls. Match de baseball, ça prend un gagnant. Mais encore là, il faut qu'on trouve des moyens d'accélérer en prolongation. Et faire un peu comme la Ligue de baseball junior élite du Québec. Et ça, je parle pas juste pour la CANAM, là. Je parle vraiment au sens large. Les majeurs aussi. Tu joues la 10e manche normalement. Pas de trouble. Là, il n'y a pas de points. Mais en 11e manche, tu mets un coureur au premier but. Tu sais, tu fais de quoi pour accélérer le processus? Pas de points en 11e manche? Ou encore égal? Puis on met un coureur en position de marquer en partant, premier, deuxième. On trouve des solutions pour accélérer, pour pousser des points et accélérer le jeu. On veut plus des marathons de 27 manches. 27 manches, là, c'est l'enfer. Et pour le partisan, parce que 27 manches, on s'entend, c'est 3 matchs de baseball, là. Mais c'est l'enfer et pour le partisan, et pour les joueurs, et pour les entraîneurs, parce qu'une gestion de personnel à faire, immense, là. Quand t'es rendu en 27e manche, c'est qui tu fais lancer? On ferait lancer Herrera? On ferait lancer Matteo? C'est qui tu fais lancer rendu en 27e manche? Donc, il faut prendre des moyens pour réduire le temps des matchs. Réellement, c'est un fléau présentement dans le baseball. Et c'est une des raisons pourquoi, d'après moi, il y a beaucoup de jeunes qui quittent. Les jeunes veulent être stimulés constamment. Et un jeu qui est lent, tu sais, il y en a beaucoup, ça se défend. La lenteur, c'est la beauté du baseball. Oui, mais jusqu'à un certain point. C'est bien beau avoir un jeu qui a un tempo lent, mais fait que ton tempo soit lent rapide. Au lieu que le lanceur prenne 3 heures sur la butte entre chaque lancé, ben qu'il en prenne une à la place. T'sais, qu'il réduise le temps, qu'on trouve des moyens d'accélérer parce que ça n'a juste pas d'allure, là. C'est trop long. Et souvent, c'est ça. Ça part, premièrement, à des lanceurs qui prennent trop de temps. Mais il y a aussi les frappeurs. Les frappeurs qui, entre chaque lancer, sortent de la boîte, replacent leur gant, puis retournent dans la boîte. Pour vrai, là, il y a des règles par rapport à ça. Il y a des règles dans les dérives des règlements qui ne sont pas appliquées, autant au niveau professionnel que mineur. On donne l'habitude aux jeunes, rapidement, d'enfreindre ces règles-là. Et si un arbitre applique la règle, il se fait regarder croche. Et j'ai arbitré pendant 10 ans de temps, et à la fin, bon, je trouvais que les matchs étaient trop longs, et justement, j'ai commencé à appliquer ce genre de règles-là. Premièrement, la règle que quand il y a personne sur les buts, entre le moment où le receveur reçoit la balle, le lancer, et le moment où la balle quitte la main du lanceur pour le lancer suivant, il est censé avoir 12 secondes. Pas plus, 12 secondes. Si ça prend plus que 12 secondes, c'est écrit dans les règles, c'est une balle. Le lanceur n'a pas lancé à temps, c'est une balle. Merci, bonsoir. On ne se casse pas la tête, on accélère. Et je l'ai déjà fait, j'ai appelé une balle. Le lanceur me regardait croche, l'entraîneur aussi, j'ai fait, regardez, t'as 12 secondes. C'est sûr que j'avais averti avant, mais t'as 12 secondes. Tu ne respectes pas ça, prochaine fois que tu le fais, j'appelle une balle. Quand il y a exagération, il faut le faire. C'est pareil, le frappeur n'a pas le droit de quitter sa boîte du frappeur à moins d'une prise d'une fausse balle. Si c'est une balle, tu restes là, on joue, on lance. Pas de perte de temps. Hey, tu t'es même pas élancé. Pourquoi tu replaces tes gants? Ils n'ont pas bougé, là. Pourquoi faut que tu te replaces tes gants? Pourquoi faut que tu demandes un temps d'arrêt à l'arbitre à tous les 3 secondes? Reste dans la boîte, on joue. Si tu quittes ta boîte sans raison, donc après une balle, ben l'arbitre a le droit de t'appeler une prise. Juste ça, juste ces deux petits détails-là, ça pourrait accélérer le match d'une 20aine de minutes facilement. On peut pas enlever les points qui se font, là. C'est sûr, quand il y a beaucoup de coups, beaucoup de coups sûrs, beaucoup de buts sur balle, ça prend plus de temps. C'est normal. On peut pas accélérer à ce niveau-là, là. Un coup sûr, c'est un coup sûr. Mais on peut accélérer ce qu'il y a autour. Et c'est ça qu'il faut, parce que même moi, 3h30 là, au stade, ça devient long. Ça devient long. Ça devient décourageant. Puis je comprends que quand t'as pas d'équipe, en plus, quand ton équipe croupit dans les bas-fonds du classement, ben c'est pas intéressant comme spectateur d'y aller. Tu sais, même si c'est pas cher, là, même si on vous donnait gratuitement le billet, avec une équipe qui est pas bonne, ben, c'est pas toujours plaisant d'y aller. Puis ça, c'est une autre chose. Les Aigles, 1200 personnes ce soir. Là. Vendredi soir. Oui. Faisait pas beau. OK. Mais il y avait un événement spécial. Tu sais, c'était la soirée Western. 1200 personnes le vendredi soir. Soir de longue fin de semaine. Les Aigles qui ont de la difficulté. Bon, une moyenne de 1100 personnes cette année. L'année passée, on était à 1600. Grosse différence. Là. Ce serait le fun que le monde de Trois-Rivières appuie les Aigles. Qu'ils aillent les voir. Je comprends. Ça vous décourage, ce genre de match-là, très long. Et je vous comprends parfaitement parce que je suis le premier à être découragé par ce genre de match-là. Et je regarde du coin de l'œil les autres matchs. Présentement, dans la Ligue CANAM, Ottawa contre les Jackals, d'ailleurs, qui sont en match, ont débuté le match aux alentours de 9h. On est en fin de sixième. Match de 7 manches, c'est 4-3 les Jackals face aux champions. C'est un match de 2h15. Ça commence à être long un petit peu pour un match de 7 manches. Sinon, dans les autres matchs, les Capitales de Québec qui sont à Sussex pour y affronter les Miners. Premier match, j'en ai parlé, 3h22 pour 7 manches. Et là, bon, le match qui a débuté lui aussi vers les 9h, 21h. 7-2 Québec. Début de quatrième manche. Début de quatrième manche. Voyons donc. Fait 2h15 qu'on joue, là. Peut-être un petit peu moins. Mais début de quatrième manche. Il y a un problème, là. Puis, je voulais vraiment vous en parler parce que ces matchs longs-là, ça commence à mériter. Il faut qu'ils trouvent une solution. Il faut qu'ils se fassent de quoi parce que ça n'a pas d'allure. Puis, ils perdent des partisans. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus capables d'être assis pendant 3h30 de temps au stade à regarder un match. C'est pareil pour n'importe quel sport. On n'est plus capable de s'asseoir pour écouter un match de 3h30. Et je les comprends, il y a tellement de stimuli partout, tellement de choses à faire en même temps. Hey, ça te tente-tu d'aller au stade? Ben, je sais pas, là, c'est 3h30, là, je pourrais faire autre chose, là. C'est comprenable. Alors que si le match dure une durée de 2h, un peu comme le soccer, ben, tu rentres au stade à 7h, à 9h, t'es sorti, t'as ta soirée. Là, tu rentres au stade à 7h, pas sûr d'être sorti pour 10h, c'est pas 10h30. Si tu regardes Québec le mardi, tu rentres au stade à 7h, le match n'est pas commencé avant 9h, t'es pas sorti de là à minuit et demi pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout. Parce qu'on va se le dire, là, ils sont courageux. Il était quoi, une vingtaine de personnes, Mathieu? Il confirme que oui. 23 qui me confirme. Donc, 23 courageux qui ont décidé de rester jusqu'au bout. Chapeau. Mais rentrer au stade à 7h pour quitter le stade à pratiquement 1h du matin, ridicule. Ridicule. Ce match-là aurait dû être repoussé et jouer un autre soir parce que c'est ridicule. C'est ridicule. C'est un peu se ficher des partisans, je dirais. Carrément. On se fiche des partisans. On va laisser de côté un petit peu la CANAM et ses matchs interminaux. Et on va aller faire un petit tour dans la Ligue de baseball junior élite du Québec alors qu'il y avait 3 matchs ce soir à l'affiche. 4 qui était à l'affiche, pardon, 3 qui ont eu lieu. Le match entre les Ducs de Longueuil et les Guerriers de Granby a été annulé. La pluie oblige. Vive la pluie qui nous annule des matchs tout le temps et qui repousse. Donc, 3 matchs ont joué ce soir. C'était l'ABCU-17 qui affrontait les Diamants de Québec au Stade Canac. Les Pirates de Laval qui affrontaient les Orioles de Montréal au Stade Gary Carter. Ces deux équipes qui ont d'ailleurs procédé aujourd'hui à une méga échange. Hier. Et le troisième match qui a lieu, c'était au stade Julien Morin de Coaticook où les Cardinals de la salle y affrontaient Coaticook. Donc, dans les matchs entre les Diamants de Québec et l'ABCU-17, les Diamants de Québec ont signé un 9e gain consécutif avec une victoire de 9-2. Très, très belle partie. Les Diamants qui sont littéralement en feu, ça va très, très bien pour eux, commencent à s'échapper au classement. Ensuite, au stade Gary Carter, les Orioles de Montréal ont vaincu les Pirates 5-2. Donc, les Orioles qui tentent de rattraper le Royal de Repentigny, les Pirates de Laval qui continuent de s'enliser au dernier rang de leur division. Et finalement, les Cards de la Salle qui ont remporté un match très serré face à Coaticook. Et ce match-là s'est décidé en septième manche. Les Cards qui, en septième, ont décidé qui sortait les bâtons. Alors que c'était 8-5 pour Coaticook, la Salle a marqué 5 points en septième manche. Donc, en fait, 18. Coaticook a bien tenté de revenir un point. Ce ne fut pas suffisant. Donc, une victoire de 10-9 des Cards dans ce match. Et ce qui me retient vraiment mon attention dans ce match-là, c'est les erreurs. Coaticook qui ont fait 4 erreurs dans le match, 2 pour la Salle, c'est beaucoup. Salut, Marc-Olivier. Oui. Ça va, c'est Mathieu Plante. Ouais. J'ai un message sur Facebook de nos fans nombreux des Aigles. Ils me disent, je te dis ça et tu me dis ce que tu en penses, en tant que présentateur radio officiel des Aigles, il me semble, est-ce que vous devriez être plus positif que ça par rapport aux Aigles? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on peut être positif. Je l'ai été. Les Aigles se sont vraiment bien replacés. Là. Ils ont eu un début de saison très difficile. Et depuis quelques temps, au bâton, ça va bien. On reste dans les matchs. On a vaincu Québec. Les matchs qu'on perd, c'est des matchs qui sont assez serrés. Sauf que faut qu'on le dise, faut qu'on appelle un chat un chat. Faut être honnête. Les Aigles ont de la difficulté cette saison. Et j'essaie de trouver le maximum de positif. Ce soir, c'était une bonne partie. On l'a échappé. Bon, les Boulders sont premiers. Là. C'est normal, on peut pas toutes les gagner. Mais faut que les Aigles se replacent. Ouais. Il faut qu'ils se replacent parce que là, ça commence à faire dur. Puis j'aimerais ça, là. Je suis le premier à souhaiter que les Aigles finissent premier puis qu'ils gagnent un autre championnat. Je suis le premier à le souhaiter. Sauf que on le voit pas. Le but de l'équipe ne se présente pas sur le terrain. Il faut appeler un chat, là. Est-ce qu'une équipe de dernier rang mérite vraiment qu'on la célèbre? Mmh. Est-ce que ça mérite vraiment qu'on dise « Ah, mais ça va bien ». Faire miroiter le « Ah, oh, tout va bien aller, vos paupières sont lourdes ». Exactement. C'est ça. Et je suis bien fan aussi, si tu me permets le commentaire, je suis bien fan de la règle qui dit qu'un partenariat ne devrait pas venir à l'encontre de notre éthique où on a le droit de dire ce qu'on pense. Je suis totalement d'accord. Faut dire la vérité. Et, tu sais, l'aspect, l'important, c'est de participer, là. Mm-hmm. Pas ici. Voilà. La participation, là, on laisse ça pour les moustiques B. Puis oui, B. Eux autres qui participent, c'est correct, là. Tu sais, qui gagnent pas, on trouve le maximum de positifs. Ils sont là pour jouer, les enfants. Eux autres sont là pour gagner et ils gagnent pas. Et c'est là-dessus que je critique. Mais je suis prêt à leur donner du positif. Ça va mieux. Ils jouent beaucoup mieux qu'ils jouaient en début de saison. Et ils ont vaincu Québec. Ce soir, c'était une bonne partie. Ils ont perdu malheureusement. Sauf qu'ils ont une semaine difficile. Mais on va se le dire, là. Dernièrement, là, avec la série contre Sussex, c'est une bonne séquence. Là, c'est un petit peu plus dur. Faut que les Aigles se replacent. Quand les Aigles gagnent, je suis le premier à les féliciter. Ouais. Je suis le premier à le dire. Et je suis le premier à le dire que là, les Aigles au bâton, ça se replace tranquillement. Et même au niveau du lanceur. Sauf qu'il y a des bonnes équipes dans la Ligue et on est loin des standards de la Ligue présente. Voilà. Tenez-moi en tant que vrai fan, si on va le dire. T'es un fan des Aigles, tu veux qu'ils gagnent, tu les encourages. C'est du tough love. Je suis là aussi en tant que critique. Voilà. Je suis là pour dire les vraies affaires et... Ça suffit le coton ouaté puis la ouate. Le fake news, ça va faire le fake news. Exactement. On va dire la vérité. Et les Aigles ont de la difficulté. Heureusement que les Aigles junior élite pour nous redonner un petit peu de bonheur en regardant du baseball. Parce que les Aigles vont bien. Les Aigles de Trois-Rivières dans la Ligue junior, donc les Aigles juniors, fiche de 15-8. C'est excellent. Mm-hmm. Ils sont deuxièmes, tout juste derrière Québec. Québec qui a une saison... magistral. 15-5, 9 victoires consécutives. Ça va bien de leur côté. Rien à dire. Mais les Aigles, ils vont très, très bien. C'est sûr qu'ils ont échappé un match contre Charlebourg en fin de semaine. On peut pas tous les gagner. Ils en ont gagné un autre. Donc, les Aigles qui vont bien à ce niveau-là, Aigles juniors, qui sont d'ailleurs, comme j'ai dit, deuxième. Québec qui ont une fiche de 15-5. Les Aigles, 15-8. Ensuite, si on continue dans la division financière Sun Life, l'ABC U18 qui a une fiche de 8 victoires, 5 défaites, vient au 3e rang. Charlebourg, 4e à 12-10 et Saguenay, 8 et 12, complète la division financière Sun Life. Si on continue dans la division La Cage Brasserie Sportive, toujours en tête, ce sont les Bisons de Saint-Eustache avec une fiche de 14 victoires et 5 défaites. Suivent dans l'ordre Repentigny à 13 et 7, Montréal à 10 et 12, Gatineau 6 et 12 et finalement Laval qui sont au dernier rang avec une fiche de 7 victoires et 16 défaites. Finalement, dans la division Uniprix, au premier rang, ce sont les Ducs de Longueuil avec une fiche de 11 victoires et 8 défaites. Viennent ensuite, dans l'ordre, Granby à 10 et 8, La Salle à 9 et 11, l'ABC U17, 7 et 14, et finalement, Coaticook qui, on va se le dire, là, 4 erreurs, c'est beaucoup, et c'est pas en faisant des erreurs qu'on gagne des matchs de baseball. Au moins, ils font de la bonne crème glacée. Ça oui. Coaticook. Ça oui, je vous la recommande. Ouais. Aux cerises. Aux cerises, butterscotch. Oh, fou. Vanille. Oh, parmesan, pas par... À l'érable. Croustillant. Oh. Tu me donnes faim. Oui. Donc, Coaticook avec une fiche de 6 victoires, 18 défaites, qui sont au dernier rang de la division et de la ligue. Si on fait un petit tour, juste avant de faire notre tour d'horizon, en fait, dans les ligues majeures, je vous ai parlé rapidement d'une importante transaction entre Montréal et Laval. C'est 5 joueurs qui sont impliqués dans cette transaction. Les Orioles envoie à Laval les joueurs Laurent Lafrenière, Étienne Lalonde, Yannick Brousseau et Michael Makarios. En retour de quoi, Laval leur donne Alexandre Gué, donc 4 joueurs contre 1, pas pire échange. Très très gros échange du côté de la Ligue Junior Élite du Québec. Donc, si on fait un petit tour d'horizon dans les Ligues majeures ce soir, pour ceux que ça intéresse, Toronto qui affronte Boston au Rogers Center. Ils sont présentement en début de 11e manche. C'est 4 à 4. Et c'est peut-être le moment où c'est que je parlais qu'il serait peut-être temps d'ajouter des coureurs sur les buts. Parce que, bon, ces deux équipes-là, on ne sait pas à quelle heure ça va finir. Il y a des fortes chances que ça se rende en 13, 14e puis 15e manche. Quand c'est égalité, ça peut finir tard. C'est très ça? Tard. Ouais. Donc, dans les matchs qui sont déjà terminés, les Nationals de Washington se sont inclinés 8 à 1 face aux Cardinals de Saint-Louis à Saint-Louis. Les Twins du Minnesota se sont inclinés 8 à 1 face aux Royals à Kansas City. Les Reds de Cincinnati ont vaincu les Cubs de Chicago 5-0 à Cincinnati. Les Mets de New York ont remporté un match serré par la marque de 2 à 1 face aux Phillies de Philadelphie. Le match était présenté à New York. Les Giants de San Francisco ont vaincu les Pirates de Pittsburgh à Pittsburgh par la marque de 13 à 5. Match qui s'est terminé en 10e manche à Baltimore alors que les Rays de Tampa Bay ont battu les Orioles 6-4. Match qui n'a pas eu lieu ce soir en raison de la pluie, c'est à Détroit. Les Tigers devaient recevoir les Indians de Cleveland. Match présentement en cours dans le baseball majeur. Les Dodgers, qui ont toute une saison, on va se dire, mènent présentement 6-0 face aux Padres à San Diego. Les Mariners de Seattle qui mènent 5-0 face aux Angels de Los Angeles à Los Angeles. Début de 6e à Oakland alors que les Braves mènent 1-0 face aux Aces d'Oakland. En début de 5e, les Rockies du Colorado mènent 3-2 face aux Diamondbacks de l'Arizona. Nous sommes en fin de 8e à Chicago alors que les Rangers du Texas mènent 7-5 face aux White Sox. Les White Sox qui viennent tout juste de marquer un point. À Milwaukee, les Marlins de Miami, nous sommes en milieu de 9e, donc on s'en. Le match est terminé, en fait, tout juste terminé. Les Milwaukee, les Brewers de Milwaukee ont vaincu Miami par la marque de 3-2. Milieu de 9e, donc on s'en va en fin de 9e à Houston, alors que les Yankees mènent 13-4 face aux Astros de Houston. Surprenant, les Astros qui se font lessiver ce soir. C'est désastreux. Désastreux, ouais. Je pense que je vais fermer ton micro. Moi, je sais, j'hésitais, j'étais pas sûr de vouloir. Ce genre de jeu de mots-là. C'est pas cette émission-là, c'est ça. C'est ton émission. bon, toujours début d'11e, Boston-Toronto. Boston vient de marquer un point. C'est maintenant 5-4 pour les Red Sox. Je regarde ça rapidement le temps que la page web ouvre avec le match. Donc, les Red Sox qui sont présentement au bâton, un point, on a un retrait, deux coureurs sur les sentiers au premier et au deuxième but. C'est Xander Bogart qui vient de faire un simple et un simple bon pour un point. Maintenant au bâton, c'est Marrero pour les Red Sox. Donc un retrait, je rappelle, les Red Sox qui menacent encore une fois. Un point mène, 5-4 présentement. Donc pour terminer notre tour d'horizon dans le baseball, on revient. En fait, je vais voir les classements, j'étais en train de les oublier. Mathieu qui parle, ça me dérange. Moi, je parle plus, tu sais. Non, je te dérange. Je m'incruste, moi. Je te taquine, ça me dérange pas. Donc, Boston qui présentement trône au sommet de la division S américaine suivent dans l'ordre les Yankees, les Rays de Tampa Bay, les Orioles de Baltimore et, bon dernier, les Blue Jays de Toronto. Blue Jays qui s'est replacé, mais une séquence un petit peu plus difficile. Et on approche du All-Star Break en bon français. C'est quoi ça? C'est le match des étoiles. Oh! Et pour les partisans, c'est le fameux concours de circuit aussi. OK. C'est la plus grosse foule de l'année, j'imagine, à part les séries. Ben, c'est tout le temps plein, dans beaucoup de stades. Mais c'est très, très plaisant à regarder, voir les Aaron Judge, une recrue qui frappe sans bon sens. Beaucoup, beaucoup de coups de circuit, beaucoup de puissance. C'est la soirée où les frappeurs de puissance se laissent aller. Oui, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Ils se font du fun. Malade. Ils se font du plaisir. Dans la division centrale, les Indians de Cleveland mènent présentement par un match et demi sur les Twins du Minnesota, suivent dans l'ordre les Royals de Kansas City, les Tigers de Détroit et les White Sox de Chicago, bon dernier de la division centrale. Dans la division ouest de la Ligue américaine, une incroyable avance des Astros de Houston en tête, eux qui mènent par 13 matchs et demi à la mi-saison. 13 matchs et demi, c'est énorme. Suivent dans l'ordre les Angels de Los Angeles, les Rangers du Texas, les Mariners de Seattle et finalement les Athletics d'Oakland. J'ai un petit fait pour les Mariners, j'aimerais ça qu'ils remontent tranquillement classement et qu'ils aillent chercher une place en éliminatoire. Je l'espère, c'est pas fait. Reste encore beaucoup de baseball. On verra. Moi j'aime beaucoup les Rays parce que je suis sûr que ça veut dire les Raymond. Non, c'est les Rays. Ah. C'est encore plus drôle. Avant c'était les Devil Rays. Les raies du diable. Exactement. T'as donc bien l'esprit croche. Ouais, je sais. Dans la Ligue nationale, présentement dans la division S de la Ligue nationale, ce sont les Nationals de Washington qui ont une avance de 9 matchs et demi en tête. Devant les Braves d'Atlanta, suivent dans l'ordre les Mets de New York, les Marlins de Miami et finalement les Phillies de Philadelphie qui ont une autre saison très difficile. Une chance qu'ils ont Philly Fanatic là-bas parce que sinon la saison serait plus que longue. Dans la division centrale, présentement en tête, c'est les surprenants Brewers de Milwaukee avec un match et demi d'avance sur les Cubs, suivent ensuite les Cardinals de Saint-Louis, les Pirates de Pittsburgh et finalement les Reds de Cincinnati qui ont eu un mois de juin désastreux, complètement désastreux, avaient un très bon début de saison et bon, leur mois de juin, très ordinaire. Finalement, dans la division ouest de la Ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles sont en tête. Seulement 2 matchs et demi d'avance, très surprenant avec l'affiche qu'ils ont 53-28. Les Diamondbacks, eux autres aussi, très surprenant. Deuxième à 2 matchs et demi de la tête. Les Rockies du Colorado, un petit... Bon, une perte de régime. On a perdu les 8 derniers matchs. Donc, on perd un petit peu du poil par rapport aux autres équipes. On perd du poil de la bête. Suivent ensuite les Padres de San Diego et les Giants de New York. Ça fait le tour du côté des ligues majeures. Donc, pour compléter l'émission ce soir, les matchs qui étaient à l'affiche ce soir, les Aigles qui s'inclinent 7-5. Je vais être positif. Très belle bataille des Aigles ce soir. Malheureusement, une autre défaite qui s'affiche à leur compteur. C'est triste, mais c'est ça. Donc, défaite de 7-5 des Aigles. Les Miners de Sussex ont vaincu les Capitals 2-0 dans le premier match. 2-0, match de 3h22. Je la comprends pas, ça. Je ne la comprends pas. Je regarde 3 coups sûrs contre 3. Une erreur. Comment un match de 2-0, 6 coups sûrs, peut avoir duré 3h22. La capsule de meilleur moment de ce match-là va durer 3 secondes. Hein? À peu près. Ouais. 3h22, j'en reviens pas. Ça me dépasse. Donc, les Capitals qui mènent présentement 10-2 en fin de sixième. Match qui commence à s'éterniser un petit peu. Et à Ottawa, 2 matchs quand même rapides. les champions qui ont vaincu New Jersey dans le premier match 5-2, match qui a duré 2 heures, et dans le deuxième match, se sont inclinés 4-3, match qui a duré 2h13, une durée normale. On veut que ça dure ça. 7 manches, 3h22. J'en reviens pas. J'en reviens pas. C'était mon sujet de ce soir, les matchs qui prennent trop de temps dans les ligues majeures. Dans... Ouais, t'en as quasiment parlé aussi longtemps que la durée d'une manche des aigles. Quand ils sont en défensive, tu c'est parles? C'est ça, ouais. Ouais, des fois, ça peut être long. Ouais. Ça ressemblait à ça hier soir quand j'ai joué à la balle aussi. Ah, tu joues toi-même? Je joue à la balle molle, oui. Bah, cool. Et bon, notre manche hier soir, ça a été la sixième. Très pénible. Mm-hmm. Je pense qu'on a accordé 10 points. C'était long. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de ça. On va terminer l'émission avec le classement. Donc, les Boulders qui sont toujours en tête, loin devant, 4 matchs et demi devant les Capitals. Et bon, ils ont 14 matchs d'avance sur Ottawa qui sont 5e présentement. Donc, pas trop d'inquiétude à leur niveau pour une place en éliminatoire. Fiche de 31-10. Les Capitals de Québec, 2e. 2 défaites consécutives. Bon, on s'enligne vers une victoire ce soir là, dans le deuxième match, mais présentement une séquence de 2 défaites. 26-14. On pourrait considérer ça déjà 27-14. Capitale de Québec, vous allez vous lever demain matin, en moins d'une surprise exceptionnelle, ils sont 27-14. Prenez ça pour acquis. Donc, Capitale de Québec, 2e, 27-14. Les Jackals du New Jersey, 3e avec une fiche de 24-16. Les Miners de Sussex County, 19-19. Prenez ça pour acquis. Ils n'ont pas encore perdu, mais on vient de prendre pour acquis que les Capitals ont gagné, donc on va prendre pour acquis que les Miners ont perdu. Mettez de l'argent là-dessus. Vous vivez dans le futur avec Marc-Olivier. Ouais, ben si vous mettez de l'argent sur les Capitals présentement, vous allez peut-être faire 2 sous. Non, bon. Rendu là. Mieux que rien. Mieux que les ailes. Hein? Ouh. Ouh. C'est sauvage. Mm. Et donc, en troisième rang... troisième. Tu m'as tout mélangé. Cinquième rang, les champions d'Ottawa avec une fiche de 16 victoires, 23 défaites. Et bon dernier, les Aigles de Trois-Rivières avec une fiche de 14-25. Et la bonne nouvelle, à mon avis, c'est que finalement, la tournée de Cuba et de la République dominicaine est terminée. On les verra plus, ça ne jouera plus, ça n'aura plus d'impact dans le classement. Mais on était quand même, on était pas plus haut avant que les Dominicains puis Cuba soient là parce qu'ils sont en bas de la liste, non? Parce qu'ils ont joué moins de matchs. Ouais, ben eux autres sont automatiquement en bas de la liste de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on n'était pas les derniers parce qu'il y avait Cuba puis la République. Mais maintenant, ouais, on est derniers. Sur le classement, ils sont encore là. Cuba puis la République restent sur le classement, mais à mon avis, ça ne compte pas. J'en ai déjà parlé. Non, je suis d'accord. C'est des matchs hors concours, à mon avis, qui comptent. C'est plaisant pour les partisans d'y aller. C'est des matchs qui sont plaisants à regarder, on va se le dire. Sauf que ça ne devrait pas compter, ne devrait pas avoir d'impact sur la saison. Pareil comme un match de Marc-Olivier à Balmolle, ça compte pas. Ben, ça compte dans notre saison à nous. Mais... Non, pas pour nous autres, on s'en c'est fout. Ça. C'est ça. Exactement. Exactement, t'as tout compris. Donc, en vous rappelant la défaite des Aigles ce soir par la marque de 7-5, les Aigles qui se sont bien battus, malheureusement... Certains frappeurs ont eu un peu plus de difficultés ce soir, juste à penser à Connor Crane qui est 0-5 après une excellente semaine la semaine passée. Semaine un petit peu plus difficile. Ben, une soirée un petit peu plus difficile. Quand même à noter Matteo qui est 2-4 ce soir. Herrera 2-4 ce soir. Ayala 1-4. Gretzky 3-4. Donc, quand même des bonnes performances des Aigles. On a quand même fait 10 coups sûrs ce soir contre 12. Donc, c'est pas un mauvais match. Pas fait d'erreur. Malheureusement, on s'est incliné. On va se reprendre demain, je l'espère. T'as de la sceptique? Moi, je vais être là. Non, mais je suis sceptique à tous les soirs, mais moi, je suis le gars qui est négatif. Toi, t'es le gars qui est positif ce soir. C'est bon, ça? Ça a l'air que, selon certains auditeurs, je le suis pas. Je me suis fait dire à moi aussi, parce qu'à chaque assemblage requis que j'anime l'été, les jeudis, je dis « s'éteniser une autre défaite des Aigles ce soir à 18h55 ». Apparemment que ça passe moins, ça. Non, je suis pas pessimiste au point de dire « s'éteniser une autre défaite ». Mais je vous encourage à s'éteniser les Aigles en espérant une victoire. Oui. Non, ils sont capables de gagner. Ils sont capables. Est-ce qu'ils veulent? Moi, je le dis. Demain, je parie sur une victoire des Aigles. OK. Ben, faut bien. Les chances sont quand même bonnes parce qu'avec autant de défaites, à un moment donné, tu vas finir par l'avoir. Hein? Ben, c'est la loi de la moyenne. C'est ça, c'est la loi de la moyenne. Fait que tu paries-tu avec moi demain? OK. Yes. On se revoit-tu mardi pour en parler? Non, parce que tu seras pas là. Non, je ne serai pas là. On se revoit vendredi. Oui. À la chasse-galerie sera ouvert pour. Toi aussi, t'es moyenne, hein? C'est comme, on ne sait pas. Tu peux lancer un 25 cents, est-ce qu'il va être là ou pas? Non. Pour 500 à peu près. Donc, en vous rappelant la défaite des Aigles de 7-5, je vous encourage fortement d'être des nôtres demain soir pour le deuxième match de cette série contre les Boulders. L'avant-match débute à 7h05, donc 6h55, 18h55 pour ceux qui sont un petit peu piqués sur l'heure. C'est 24h, système français. Exactement. De l'armée, hein, c'est ça? L'armée, je pense. Ouais. Probablement. Je pense que c'est l'armée, ouais. 6h55 p.m. Oui, c'est ça. Donc, 18h55 sur nos ondes pour le match demain. Et je vous rappelle que le match de dimanche est à 13h05, l'avant-match qui débute à midi 55. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes et on se voit vendredi prochain pour une autre édition du Talk Show des Aigles. Je gâcherai pas ta prochaine émission. J'aime ça, ça fait un peu entertainment. Hey, bonne soirée, bye bye. Vous êtes assez fous. 89.1.